vous saluons ce soir encore une fois avec une grande joie au nom de Jésus-Christ notre Christ. Nous disons merci à notre Père Céleste parce qu'il nous a gardés et nous a donné la vie ce matin. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Que son nom soit loué. Acceptez de vous lever pour la lecture de la parole. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3 verset 10-11. Que l'amour qui m'ont fingi n'a dit un picawa. Yesu ku musalabo watentwile kyoki selwa kiselwa kiamalwa kiamalwa kyona angulwa pano se pele langa bini vyonjiwa jese jesu kiselwa kiamalwa kiamalwa kyona angulwa panose belelanga ubyoji wa jese jese. Notre Père Céleste, Baba yetu aliye mbinguni, merci de tout cœur pour l'œuvre de Golgotha. Dieu a kazi ya Golgotha. Merci pour le sang précieux de ton Fils. C'est ce sang qui nous a réconciliés avec toi. En ôtant nos péchés devant toi. Nul n'était capable de le faire. C'est ta grâce. C'est ta bonté. C'est ton amour pour nous. Plein de reconnaissance, nous nous inclinons devant ta sainteté et nous implorons ta grâce encore une fois ce soir. Que la même grâce nous parle ce soir, parce que la grâce nous enseigne. Ouvre nos cœurs, dispose nos âmes, prépare-les pour recevoir ta parole. Parce qu'aucune semence n'a jamais été semée dans la froideur. Toute semence est semée dans la chaleur. Fais que nos cœurs puissent être réchauffés afin de recevoir ta parole. Bénis-nous, Seigneur. Enlève de ma bouche toute parole vaine. Et mets ta parole dans ma bouche. Car c'est celle-là qui va nous délivrer. C'est celle-là qui va nous sanctifier. C'est celle-là qui va nous éclairer. Seigneur. Merci Père. Sois avec nous du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Garde ce que, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous parlons de l'heure de la tentation, qui est un événement que l'Église va bientôt vivre sur la terre. Nous l'avons dit hier, nous n'irons pas au ciel sans être éprouvés par Dieu. Notre foi sera éprouvée. Chacun de nous devra prouver à Dieu sa fidélité. Chacun de nous devra prouver à Dieu, prouver sa fidélité vis-à-vis de la parole de Dieu. Aux gens du sixième âge, il leur a été dit, garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du premier âge jusqu'au sixième, ils avaient une portion de la parole dans chaque âge. Ils n'avaient pas toute la totalité de la parole. Si on doit aussi nous dire à nous de garder ce que nous avons, c'est plus que tous les âges passés. Parce que dans notre âge, toute la parole a été restaurée. Toute la parole alors. Il n'y a rien que nous ne connaissons pas dans la volonté de Dieu pour notre salut. Tout nous a été révélé. Nous ne tâtonnons plus dans notre manière de vivre. Non, frère. Nous posons le pied là où il faut le poser. Nous évitons ce qu'il faut éviter. Nous connaissons clairement la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Alors, si on doit nous dire, garde ce que tu as, c'est-à-dire, gardons toute la parole de notre vie afin que personne ne prenne notre couronne. Nous sommes un âge glorieux, mais un âge où l'Église a reçu beaucoup plus que les autres âges. Et à celui qui a beaucoup reçu, c'est clair dans la Bible, il lui sera demandé beaucoup. Voilà pourquoi l'épreuve qui est devant nous ne pouvait pas toucher nos frères derrière nous. Eux n'avaient qu'une portion de la parole. Mais toi, tu as toute la parole de Dieu. Raison pour laquelle gardons la parole. Toute la parole. Sans jeter même une partie. Cela va nous aider devant. Oui, frère. Chacun doit prouver sa fidélité à Dieu. Sa fidélité vis-à-vis de la parole. Comme l'a été éprouvé, comme Abraham, notre père, avait été éprouvé. Il n'y a pas de croyant non éprouvé par Dieu dans sa foi. Ça n'existe pas. Ta foi, même aujourd'hui, elle est en train de subir quelques épreuves. Il y a même certaines petites tentations qui nous arrivent tous les jours de notre vie. Et ces tentations-là, comment est-ce que nous les surmontons? C'est par la prière. Oui, frère. Et la tentation, laissez-moi vous le dire déjà. La tentation qui vient devant nous, elle est différente des tentations quotidiennes que nous subissons. Très différente. Pour les tentations quotidiennes, la vie de la prière suffit pour les surmonter. Un chrétien sans vie de prière, il tombera chaque jour. Je vous dis vrai. Pas une prière formaliste que certains font seulement avant de manger. Ou bien le soir quand le parent réunit les gens, toute sa famille. Tu pries juste là, tu dis que tu as prié pour ta vie. La prière, c'est une vie pour tenir. Jésus nous a dit, priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. C'est vrai. Et quand vous priez, dites, Seigneur, comment conduis-nous de manière à ce qu'on ne tombe pas en tentation. Et épargne-nous du malin. C'est par la prière que nous surmontons ça. Mais devant nous, il y a une preuve qui vient dans une tentation. C'est le diable qui va nous tenter. Mais Dieu va laisser que la chose arrive pour éprouver tous les habitants de la terre. Il est donc question, mon frère et ma soeur, aujourd'hui déjà, de vérifier ton expérience. Je te le dis au nom du Seigneur. Vérifie ton expérience. Qu'elle soit réelle, fondée sur la volonté de Dieu. Amen. Amen. Que ça ne soit pas une expérience imaginaire. Une nouvelle naissance imaginaire. Alors que la nouvelle naissance est réelle. Ne te trompe pas. Ne sois pas religieux. Tu vas échouer de surmonter la tentation. Une sanctification réelle. Un baptême du Saint-Esprit réel. Pas des imaginations. Soyez en sûrs. Sachez où est-ce que vous en êtes avec la parole. Bientôt. La tentation va tomber. Oui, frère. Au niveau où nous en sommes. Avec ce message. L'œuvre de notre rédemption peut arriver à sa fin à tout moment. Vous qui pensez que nous avons encore un grand temps sur la terre, détrompez-vous. Combien de temps pensez-vous nous restons encore sur la terre? Vous savez ce qui aveugle les gens, c'est quoi? Le Seigneur nous a dit, par ses serviteurs, faites ce que vous faites, réalisez vos projets, comme si vous avez encore toute une vie devant vous. Mais dans tout cela, prenez soin d'être prêt. Beaucoup c'est contente de la première partie de la déclaration. La deuxième ne les intéresse pas. On a dit faisons tout. On a dit faisons tout. Comme si nous avons une longue vie devant nous. Beaucoup de charnels pensent du côté des projets. Il n'y a que les vrais enfants de Dieu qui se disent, malgré que je fais ça, malgré que j'ai tel projet, mais je dois beaucoup plus veiller sur ma vie à moi, chrétien. Je peux échouer dans mon projet. Je peux avoir des difficultés. Mais que cela ne crée pas un grand souci dans mon cœur. Parce que le ciel et la terre passeront. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Beaucoup penchent du côté charnel. Ils se lancent dans des projets. Le temps de s'occuper de leur âme. On devient minime. C'est un danger, frère. L'œuvre de la rédemption au niveau où nous en sommes peut toucher à sa fin à n'importe quel moment. Le frère Franck nous a dit ça. Laissez-moi un peu le lire. Dans Apocalypse, livre scellé de sept sceaux. Je suis à la page 168. C'est l'ancienne édition à la page 168. Le plan divin du salut, oui, se déroule exactement de la manière que Dieu l'a conçu de l'éternité. En réalité, nous nous trouvons au milieu de l'accomplissement et de la réalisation des prophéties bibliques des temps de la fin. à tout moment, wakati yote yote, il est possible inawezekana que le temps de grâce, pardon, que le temps de grâce et wakati ya nema, pour les nations ya mataifa, arrive à sa fin. Ifike kumwisho. À tout moment, wakati yote yote, il est possible inawezekana que la perfection de l'épouse soit atteinte. Ukamilifu ya bibi harusi pate kufika kumwisho. À tout moment, il est possible que son enlèvement ait lieu. À tout moment, il est possible que Dieu fasse un nouveau retour, un nouveau commencement spirituel en Israël. Que l'alliance avec l'Antichrist soit conclue et que le temple soit rebâti. Ces choses peuvent avoir lieu à tout moment. Et c'est ça qui nous met, nous, l'église épouse, à un degré d'alarme très élevé. L'alarme qui nous réveille est à son degré le plus haut. Malheur à ceux qui sont encore discrets. Aucun croyant ou groupe de croyants n'a vécu la tentation qui nous attend. Aucun, tous ont été épargnés. Et quand cela va arriver, aucun vivant ne va échapper. Chacun devra montrer sa position. Comme Élie le disait, à Israël, wa Israeli, qui était tombé dans l'idolâtrie avec mkaka, le roi Akab, mkwabudu kwa sanamu na mfalme Akab, il leur dit, choisissez, pourquoi, mchakule, jusqu'à quand, balotez-vous de tout côté, de côté. Si Bale est Dieu, kama Bale ni Mungu, allez au point de Bale, mwende kwa Bale. Si Yahweh est Dieu, kama Yehova jo Mungu, allez au point de Yahweh, mwende kwa Yehova. Il y a des gens qui sont au milieu de nous. Ils passent pour nos frères dans ce message. Mais ils sont dans des loges rose-croix. Ils sont dans des loges francs-maçons. Il y en a, frères, dans nos tabernacles. Ce sont des gens infiltrés. Des faux frères. Pourquoi? Mais si. Comment tu peux adorer deux dieux à la fois? Dans ces loges-là, c'est le diable qu'on adore. C'est le diable qu'on invoque. Ici, nous invoquons Yahweh, le Dieu vivant. Soit ce sont des loges, tu t'en vas là-bas. Soit tu expérimentes réellement la vraie foi avec le Seigneur. Il y a des faux frères. La tentation qui vient va mettre de nouveau la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Oui, frère. Même dans nos maisons, il y a une écriture qui va s'accomplir. Un instant, je vous la cherche déjà. Matthieu chapitre 10, verset 34. Allons-y, c'est le Seigneur qui parle. Naître dans la maison d'un homme de Dieu, d'un croyant, cela ne veut pas dire nécessairement que tout le monde est croyant dedans. Nos frères, la tentation qui vient, elle va montrer la couleur de chacun d'entre nous. Nous sommes qui sont des nôtres. Tout à Dieu, abetu ni banani. Et qui ne le sont pas. Na bale bana betu. Qui sont de Dieu. Ba Mungu ni banani. Et qui ne le sont pas. Na bale bana ba Mungu. Matthieu chapitre 10. Matayo sura kumi. Le verset 34. Mustara makumi tatu na ine. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Mushamini ya kwamba mimi kwa kuleta salama pa dunia. Je ne suis pas venu apporter la paix. Shukukuye kuleta salama. Mais l'épée, lakini mupanga, dans sa première venue, kuja kwa kwanza, le Seigneur nous a donné, il nous a laissé à nous son église la paix. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est à nous l'église. Mais sur la terre, il a apporté non pas la paix, mais l'épée. C'est lui-même qui l'a dit. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Commençons par nos tribus. Ne pensez pas que les membres de la famille de ta tribu charnelle, ceux-là que tu chéris plus que les frères en Christ, ne pensez pas que ce sont là vos vrais frères. Toi, enfant de Dieu, ouvre tes oreilles. Bientôt tu verras leur propre couleur. Ceux-là qui ne croient pas ce message, tu verras leur couleur. Tu sauras de quel bois ils s'échauffent. Ceux-là que tu aimes plus que tes frères dans la foi, ils vont te montrer que ce ne sont pas tes frères, que ce ne sont pas tes tantes, et tes gens, et tes parents. Car en réalité, pour nous les enfants de Dieu, nos pères, nos mères, nos sœurs, nos tantes, ce sont ceux-là qui croient la parole de la vérité. Comme Jésus le disait, mon frère, ma soeur, c'est lui qui fait la volonté de mon père. La tentation qui vient, on va te vomir. On va nous vomir, frère. Le monde va nous lâcher. Le monde va nous renier. On va nous pointer du doigt. Comme on le dit en Chine, on va nous pointer au camp. Vous disiez, vous pensez que il n'y a que vous, on va nous pointer du doigt. Le monde entier pointera l'église du doigt. Et en ce moment-là, si tu n'as pas une position correcte dans la parole, tu vas basculer du côté du monde. Je te dis, frère, Nous connaissons Wazi. Seul le Seigneur a été éprouvé de la manière que nous serons éprouvés. Lui seul. Imaginez-vous une tentation que Dieu n'a réservée qu'à son fils. Que cela nous soit réservé à nous les croyants du temps de la fin. Vous pensez que c'est une petite chose? Aucun autre croyant n'est passé par là. Seul le Seigneur. Oui, c'est vrai, frère. Lisons d'abord le feu Franck. Dans la lettre circulaire de mars-avril 2007. Je suis à la page 11. Les as des églises qui sont derrière nous ont tous été préservés de l'heure de la tentation. Nous ne vous parlons pas des choses que nous avons inventées. Ne pensez pas que cette chose ne concerne, n'est pas dans la parole. Le chemin que nous traversons, le Seigneur le connaît du début à la fin. Et il y a des choses qu'il nous a révélées pour que ça ne surprenne pas. Parce que nous sommes son épouse. Parmi ces choses, l'heure de la tentation. Le frère Franck a pressé là-dessus. Le petit titre dans cette lettre, c'est écrit l'heure de la tentation. Il dit les âges des églises qui sont derrière nous ont tous été préservés de l'heure de la tentation. Cependant, maintenant que la fin de toutes choses est proche, les croyants n'entendent pas seulement le cri qui dit voici les pouviens. Non, ils doivent aussi endurer l'heure de la tentation. Il y a le mot dur là-dedans. Endurer, c'est-à-dire supporter avec douleur. Comme Abraham avait supporté avec douleur l'épreuve dans laquelle il était passé. Quand il allait avec Isaac, il n'allait pas en riant. Mettez-vous à la place d'Abraham, notre père dans la foi. Le Dieu en qui tu crois, c'est un Dieu terrible. Et il faut l'honorer à tout moment, même quand il te demande une chose difficile. Quand Dieu lui a dit, Abraham, prends ton fils. Il avait beaucoup de fils, non? Ismaël était déjà là. Ismaël était déjà là. Qui est venu d'Agar, Agar, que Tour avait déjà mis au monde des gens. Mais Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique. Alors qu'Ismaël était là. Et parmi tous ses enfants, Abraham connaissait que j'ai un fils unique. Et ce fils, je l'ai eu d'une manière unique. C'est Isaac. C'est lui que tu aimes. Ule unapenda. Isaac. Isaka. Dieu parle avec précision. Mungu kuna sema na mnamna kweneana. Prends ton fils. Beba mwana wako. Ton unique. Ule wa peki. C'est lui que tu aimes. Ule unapenda. Isaac. Isaka. Va me l'offrir. Wende ukanitole yeye. Ah, no locust s'il vous plaît. Sawa zabiu. Zabiu c'est quoi? Zabiu ni nini? Brûler! Umulungushe! Femme le brûler! Wende tu les consumes par le feu! Umuchome na moto! Ukupale, ukunaona zabile, ekona maliziki kwa mazabao! Tu vois comment il est en train de se consumer sur l'autel! Fais-le pour moi! Oui, ni fanché, sur une montagne que je te montre! Yulia mulima le takuonesha! Abraham dit, Ibrahim akasema, ça! Hii, si je dois le dire à Sarah, kama mina mwambia Sarah, c'est fini! Kuna malizika! Je ne lui dis rien. Il y a des choses. Mambo, quand Dieu te les demande, Mungu na kulomba, fais ça seul. Amen. Parce que même quand Dieu va nous éprouver, sababu, atapole, Mungu, il connaît anajua, le niveau de la foi qu'il va nous donner. Amen. Amen. Amen. Si on avait donné ça aux croyants du temps passé, ils échouaient. Avec larmes au cœur. Abraham a dit Isaac, lève-toi. Ibrahim a dit Isaac, lève-toi. Vous les deserviteurs, venez. On va adorer. Dieu lui dit sur une montagne que je te montre. Il dit non, va dans le pays de Moria. Je vais te pointer une montagne dans ce pays. Sarah était seulement surpris de voir Abraham organiser un voyage d'adoration. Et c'est dit, c'est comme ça qu'il a toujours été. Il va adorer. Mais n'a pas tiré attention que quand son mari quittait, les choses n'étaient pas complètes pour l'adoration. C'est elle. Si elle était vigilante, qui pouvait poser la question à Abraham. Tu vas où? Il a lui dit adorer. Mais adorer, ça, quel est le sacrifice que tu as fait? Mais distraite. Elle a laissé l'homme partir. Et c'était bon pour Abraham. Ibrahim. Mais Isaac qui avait déjà de l'âge, il a remarqué ça. Mais pendant qu'ils étaient encore avec ces hommes animaux là, Nyama, n'hésite pas. Nyama. Ah, ces hommes animaux-là. Bale bantu banyama. Isaac n'a rien dit. Isaac a chukusema yekitu. Premier jour de voyage. Shiku ya kwanza safari. Balalala bunakachika. Deuxième jour. Ils ont dormi deux. Shiku ya pili. Balalala bunakachika. Troisième jour. Ils se sont réveillés. Shiku ya tatu. Frère, Mungu anaya kulomba mutu mambo. Aone imani yako. Un problème pour se connaître au niveau de votre foi. Trois jours de marche. Shiku tatu ya safari. Le troisième jour. Shiku ya tatu. Dieu lui avait dit sur l'une des montagnes que je te montre. Arrivé là-bas, Abraham lève les yeux. Dieu lui dit, c'est là. C'est là-bas. Alors, il lui dit, vous deux, restez. Isaac, Isaka, prends le bois. Précède. Tambuka. Lui prend le feu. Le feu d'autrefois c'était une branche qui fumait. C'est pour ça que nous les villageois on faisait. Si vous n'avez pas allumé, vous prenez une branche allumée. Et le couteau. Na kisu. Vous, vous restez, vous gardez les bêtes. J'ai toujours dit, c'était comme si il leur a dit, comme vous êtes des hommes animaux, restez garder vos animaux semblables. Parce que ce qu'il allait faire là, à la montagne, ça ne concernait pas les hommes animaux. Parce qu'un homme charnel ne supporte pas les choses de Dieu. Il ne les comprend même pas. Ils sont partis. Pendant qu'il partait, Isaac qui a remarqué ça. Isaac a rionné les mambo. Il me dit papa. Akamunesha baba. Je ne comprends rien. Je le bois. J'ai le bois. Nikuna nkuni. Tu as le feu. Kuna moto. Mais on va immoler quoi? Sasa tutenda kuchinja nini? Cette question là. Il est ulizo. Vous pensez qu'il n'a rien fait dans le cœur d'Abraham? Ndio kusema ikifanye kitu moyo ya Ibrahimu. Si Dieu n'est pas entré en scène, kama Mungu ashikuingia mkibeta, Abraham allait échouer de répondre. Ibrahimu angeshindwa kujibu kile ulizo. C'est Dieu qui est descendu. L'esprit de prophétie là, c'est Abraham a prophétisé. Ibrahim a ritabiri. En répondant à Isaac, Isaac, il a prophétisé. Il dit mon fils, Yahweh lui-même, c'est pour voir d'un agneau, c'était une réponse d'inspiration. Mais avec larmes au cœur. Arrivé là-bas. On a tout apprêté. Il a pris le bois. Il a mis là-bas. Isaac était surpris. On le tient par les mains. Regardez, Abraham derrière. Ibrahim kunyuma yake. Les mains d'Isaac là-bas. Mikono kumkongwe. Qu'est-ce qu'Isaac devait faire? Isaac arpasha kufanya nini? C'est de regarder son père. Arpasha angalie baba yake. Peut-être en ce moment-là. Ça zingine mule wakati. Il a vu des larmes. Ariona kama chozi. Dans les yeux de son père. Il kwa na mumacho wa baba yake. Personne ne peut tuer son propre fils en riant. Hakuna mtu anaweza kuwa mwana wake wa pekee mkuchuka. Personne, frère. Hakuna mtu atamwe. Il pouvait voir les larmes dans les yeux de son père. Il ne lui a pas posé de questions. Il a compris que son père faisait quelque chose. Même si Isaac ne le comprenait pas. Il savait que son père était incroyable. Son père avait un Dieu. Il pouvait s'imaginer que dans la religion de son père, son Dieu lui a demandé de le tuer. Il pouvait s'imaginer ça. Mais il n'a rien dit, le pauvre. On le soulève. On le met sur les bois. La Bible dit, Abraham étendit sa main. Ibrahim il ne s'amusait pas. Incroyable. Mwaminifu. Il est obéissant à toute la parole de Dieu. Même quand ça fait mal. Vérifie ton expérience. On va bientôt y arriver. Tout à fait. J'ai toujours dit ceci. Heureusement. Notre Dieu ne vient jamais en retard. Si Jéhovah kama Yehova avait la faiblesse d'agir en retard, Isaac serait mort. Isaac arifuaka ile shiku. Heureusement que Dieu vient toujours au moment qu'il faut venir. Mungu anakuweka paka mwakati na fazali. La Bible dit tant la main. Biblia nasema na kanyosha mkono yake juu kubeba kisu. Isaac pouvait dire je suis parti. Isaac angeweza kusema ah kuna nisha. Ma mère ne laissait pas. Mama yangu ajue. Comment elle va pleurer? Namna kanyatalia. Mais la voix retentit au ciel. Lakini sauti mwa katoka mbingu. Ibrahimu. Abraham. Ibrahimu. Quand Dieu t'appelle deux fois. Wakati Mungu anakuita mara mbili. C'est pourquoi il t'appelle, il doit s'exécuter au même moment. Kila nakuitia kinapasha kutimilika mwile wakati mwa moyo. Oui, quand Dieu prononce, lisez la Bible. Musome Biblia. Quand Dieu prononce une chose deux fois dessus. Wakati Mungu anasema kitu mara mbili ya kufuatana. Ça s'accomplit sur place. Iko natimilika paka pale. Ne fais rien. Usifanye kitu n'approche pas ta mère à l'enfant. Hapana kukaribisha mkono wako kwa mtoto. Maintenant. Hapa sasa. Je vois que tu m'aimes. Naona kwamba unanipenda. Je vois que tu es obéissant. Naona kwamba kumtifu. C'est là. Ni pale. Que sortit notre bénédiction. Je kulitoka baraka yetu. Dans la joie de l'obéissance d'Abraham. Mkutia kwa Ibrahim. Mungu akasema. Toutes les nations de la terre. Mataifa yote pa dunia. Seront bénis en ta postérité. Batabariki ndani ya uzao yako. Alléluia. Amen. Voyez comment il a enduré la chose. Munaona vile alivumilia na maumivu kile kitu. Le Frank dit. Duk Franka kunasema. Maintenant. Hapa sasa. Alors que nous sommes arrivés au temps de la fin. Pale tunapika kufika kwa wakati ya mwisho. Nous ne devons pas être là à entendre seulement. Jésus vient. Nous serons enlevés. C'est bien. Nous sommes sauvés. Dieu pardonne. Il y en a d'autres quand on dit Dieu pardonne. Dieu qui n'a pas le courage à quoi de prendre des âmes. Parce que là on pense que Dieu pardonne. Ça lui donne le courage d'aller pécher parce qu'on dit que Dieu nous a sauvés. Ils oublient que ce Dieu est un feu dévorant. Ce n'est pas seulement ça. Nous devons aussi vous prêcher. Vous faire voir que il y a un temps Dieu qui vient. Que nous devons endurer. Gardez la parole. Pendant ce temps, wakati, on va prouver au monde ta kikisha kudunia yote et à Satan na que shetani, nous sommes réellement des croyants. Atika, que rien ne peut nous séparer de l'amour na, de Dieu. Kuna kutenganisha na mapendo ya Mungu. Jokule imani kuna kupeleka. C'est là où cette foi t'amène. Si tu ne savais pas aujourd'hui, nous te le faisons connaître. Nous n'irons pas au ciel comme sur un lit de facilité. Ça va tout mambo moya teke teke sana. Hapana. C'est vrai. Nikweli. Est-ce que je peux encore lire? Toujours dans la lettre circulaire avril-mars 2007, je suis à la page 11 maintenant. Pakambaro kuzunguka ya mwezi ya 3 na ya 4 ya 2007, mkaratasi ya 11. L'heure de la tentation qui viendra. Ça ya jaribu ile takuya. Sur la terre entière. Kwa dunia yote mzima. N'est pas la même que les épreuves quotidiennes. Aina pamoja na ile majaribu ya kila siku. Dont le Seigneur, il est dont il est question dans la prière du Seigneur. Il est ku inangari na seme au maombi ya Bwana. Ne nous laisse pas tomber en tentation mais délivre-nous de tout mal. Katika jaribu tukomboe na mabaya yote. Mais cette tentation, sasa ile jaribu est semblable. Inafanana à celle que Satan exerça sur le sauveur. Na ile shetani aliyotumia yule ya Bwana wetu. Nous serons bientôt tentés. Ah, pas ça, ça, pas ta jaribiwa. D'une tentation. Na jaribu moya. Que seul le Seigneur a expérimenté. Il est pas que bwana yeye mwenyewe tu alionjaka. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre Seigneur? Ni ilipitika nikaka na bwana wetu. Parce que nous devons maintenant le voir. Sababu tunapasha sasa kuiona. Il n'y a que lui qui a vécu ça. Ni paka yeye alionjaka ile. Nous allons dans Matthieu 4. Tunaenda Mathayo sura ya 4. Commençons par le premier verset. C'est bon. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Lisez bien la Bible. La Bible ne dit pas que Jésus fut amené en esprit. Non. Suivez-moi bien. C'est l'Esprit de Dieu qui est Dieu lui-même. Parce que Jean 4:24 dit Dieu est esprit. La nature de Dieu, ce n'est pas un homme. Non. Dieu est esprit et il est devenu un homme pour nous sauver. Mais lui-même, il est esprit. C'est cet esprit-là qui est le Père de l'homme Jésus. Comme Gabriel avait dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son eau. Voilà pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Cet esprit-là a pris Jésus, l'a conduit au désert expressément pour qu'il y soit tenté par Satan. Dieu a permis ça sur son fils. Comme il va le permettre sur nous. On l'amène au désert. Il arrive au désert. Comme le Père lui montrait en avance ce qui doit lui arriver. Jésus a vu la dure tentation qui venait. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ce que l'Écriture dit. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il est faim. N'oubliez pas ce mot faim. Ça va revenir. Comme il connaissait la grandeur de la tentation, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il avait faim, Lucifer, lui-même en personne, ce n'était pas que Jésus a vu une vision. Il a vu Lucifer en face. Il lui est apparu. Affamé comme tout. Il lui dit. En ce moment-là, les apôtres ne savaient pas où est-ce qu'il était. Peut-être qu'il est cherché là-bas. Pendant ces 40 jours-là, Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne permettre. Amour, c'est ça, ordonner. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit. Il est écrit. Il m'a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La guerre des Écritures a commencé entre Jésus et Satan. Pourquoi Satan a associé le verbe ordonner au qualificatif fils de Dieu? Il a joint le verbe ordonner au rôle du fils de Dieu. Il savait ce qu'il disait. En hébreu, le Fils de Dieu est traduit par Haben Elohim. Haben Elohim. Haben, ben. Haben Elohim. Haben Elohim. Le Fils unique de Dieu. C'est qui? C'est Elohim lui-même dans un corps de chair. Le diable savait ça. Il dit, si c'est toi celui-là, le fils de Dieu que moi Lucifer je connais, ordonne alors. Pourquoi? Dans la vie de Jésus, Jésus a troublé beaucoup Satan par quelque chose qu'il faisait. C'est ça qui a troublé le diable. Un jour, ils étaient dans la barque avec les apôtres. Et Marc dit, il n'y avait pas que la barque de Jésus. Il y avait aussi d'autres barques sur la mer. Fatigué d'avoir prêché, comme nous le laissons souvent après avoir prêché, on a tendance à vouloir dormir. Il a pris un coussin, il est allé à la poupe de la pirogue, il s'est couché. Et il s'est endormi profondément. Le diable est venu pour l'engloutir, le noyer dans l'eau. Les vagues se sont levées, un vent violent a soufflé. Les apôtres ont lutté, ils ont échoué. Finalement, ils se sont dit, réveillons-le. Seigneur, Buana, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous mourons. Lève-toi, Seigneur. La Bible dit, Nasema, il se leva akalamuka, et il menaça le vent. Nakakeme ampepo. Et il dit à la mer, nakambia bari, silence, kimia, tais-toi. Ikala kimia. Les autres barques qui étaient à côté et les apôtres ont vécu la chose. Le vent a obéi. La mer s'est calmée. À la voix d'un homme, à l'ordre d'un homme. Qui est cet homme-là qui ordonnait même au vent? Et le vent obéissait. Ça trouble Satan. Vous trouvez ça dans Marc chapitre 4. Si je ne me trompe pas. Ça trouble le diable. Les apôtres se sont agenouillés devant lui. Ils se sont inclinés. Ils ont dit, réellement, tu es le fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est toi Elohim dans la chair humaine. Parce que ce que tu fais ici, aucun homme ne peut le faire. Ordonner, et la chose arrive. C'est Dieu seul qui le fait. Même dans ta vie, s'il ordonne ce soir, et ton problème trouve solution, rien ne va empêcher cela. Est-ce que tu le crois? Est-ce que vous le croyez? Même ta maladie, s'il ordonne, tu sors guéri. Frère, Bandoukou, un lépreux arrive un jour. Il lui dit, Seigneur, je veux voir. Napenda kuona. Vois. Ona. Fini. Kunaishu. Il est parti voyant. Arienda, mwenye kuona. Un lépreux arrive. Wabukoma mwana fika. Seigneur, Bwana, si tu veux, kama unapenda, rends-moi pur. Upate kunifanya kuwe safi. Je le veux. Naipenda, sois naitaka, pur. Uwe safi. Il est parti pur. Arienda, mwenye kuwa safi. Un jour, Shiku moya, il dit aux apôtres, akaonesha bamitume, après avoir prêché, kisha yekubiri, précédez-moi. Munitanguri. Aller de l'autre côté de la mer. Wendele ngambo ya bari. Lui est monté à la montagne. Yaripanda kumulima. Et il a commencé à prier. Na arienda kule kuomba. Quand il faisait noir, wakati kunaanza kwa kweushi, il a commencé à les rejoindre. Arianza kwenda kubafuata. Marchant sur les eaux. Mwenye kutembea pa maji. Dans les vagues. Et dans l'obscurité du soir, les apôtres ont regardé dans les vagues. Ils ont semblé voir un homme. Ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont commencé à crier. Des papas. Ils ont commencé à... Ils ont crié comme des petits enfants. Le Seigneur leur a dit, n'ayez pas peur. C'est moi. Parmi les apôtres, il y a un apôtre qui aimait beaucoup le Seigneur. C'était Pierre. Il lui dit, Adonai, c'est-à-dire Seigneur, si c'est toi, ordonne Amuru, que je vienne vers toi sur les jours. Si c'est toi, ordonne. Le Seigneur lui dit, viens. Pierre se lève. Petro, il sort son pied. Akalamusha il pose son pied sur la main. Il sent que ana, l'eau qu'il a connue de tout ce temps ici est devenue dure. Lui, c'est un pêcheur de poissons de longtemps. Jamais il n'avait marché sur les eaux. Quand son pied a touché la l'eau, il a senti que c'était autre chose. Il s'est dit, naïnye, mkulu ya pirikuya. Il a senti l'autre pied. Il a placé sur l'eau. Il a senti que ça allait. Je m'imagine que son frère André pouvait avoir peur pour dire que uyu mkubwa yangu uyu. Mon frère il ici, kama kama yake, cette témérité, il va mourir avec cela. Mais lui avait la foi. Lakini hier, kwa na imani, la foi, imani, c'est l'obéissance. Ni utifu. Jésus dit, viens. Yesu akasema, je kuya, pas. Na mimi natoka. Premier pas. Atua ya kwanza. Deuxième pas. Atua ya pili. Troisième pas. Atua ya tatu. Les apôtres qui regardaient. Bamitume kwa nangaria. Ils avaient peur. Barikuwa na boka. Mais après ils ont commencé à s'étonner. Lakini kisha wanaanza kushangaa. Un homme marchant sur les eaux. Muntu yuko anatembea kwa maji. Nous avons un Dieu. Tuko na Mungu. Le Dieu des impossibilités. Mungu wa vitu vyashipo kushindikana. Le maître de l'impossible. Mwenye vitu vyashipo kuwezekana. Il a marché. Aritembea. À un moment donné. Wakati mofulani. À la hauteur des vagues. Mkuona mabimbi vile kwa mrefu. Comme il était un homme. Vile alikuwa ni mtu. Oui frère. Ndio banduku. Nous sommes des hommes. Tuko bantu. Nous avons une chair faible. Tuko na mwili mzaifu. Il peut arriver. Inaweza kufika. De perdre un peu de foi. Upate kupusa kukosa kwa imani kidogo. À cause de la dureté des choses. Kwa sababu ya mburene bwa mamambo. Ça peut arriver. Inaweza kufikia. Nous sommes dans la chair. Tuko mwili. Quand cela t'arrive, faites ce que Pierre a fait. Fanya kile Petro alifanyaka. Quand il a commencé à douter, wakati alianza kushakia, quand la peur, wakati boka, a pris la place de la foi, ulibaka fazi ya imani, il a commencé à s'enfoncer. Akaanza kujitumbukiza mumaji. Et en s'enfonçant, na mkujitumbukiza, il ne s'est pas tourné vers les apôtres. Kwa mitume bandu pour dire, André, wetu anjilu wako. André, viens, André, kuja, non. Non, pana. Même toi, mon frère et ma soeur, quand ça devient dur, ne te tourne pas vers les hommes. N'aie pas confiance dans les hommes. Le secours des hommes est une vanité. Redresse ta tête. Appelle celui qui n'a jamais échoué. Il lui dit, akamwambia, Bwana, sauve-moi. Unyokoe. Il ne s'est pas adressé aux apôtres. Ashikwambia ba mitume hapana. L'ancien peut ne pas être là. Muzee ashweza taku yako. Mchungaji ashweza sama ku yako. Wakati appelle le Seigneur. Ah, mambo nafika imwite Bwana. Appelle-le. Umwite. C'est il est un secours. Eko msada. Qui ne manque jamais. Ile ikose wake. Wakati ya tabu. La détresse, c'est quoi? Tabu ni nini? C'est une situation difficile. Ni mambo moya nguvu. Dans laquelle tu n'as aucune aide. Mule, auna muatana msada moya. C'est ça la détresse. Jo tabu. Tu regardes à gauche, personne. Unangara à droite, shoto, kuna muntu, kume kuna muntu, nyuma kuna muntu. Mais regarde au ciel. Sasa, lamusha kichwa kuangara kumbi. Ule ashiko saiki kamwe. Seigneur. Bwana. Sauve-moi. Unyokoe. Entre Pierre. Katikati ya Petro et le Seigneur, na Bwana, il y avait encore une distance. Kulikuwa kungariki kwa mameta kidogo. Il était déjà loin de la pirogue. Il n'était pas encore arrivé là où le Seigneur était. Au milieu, loin des hommes, loin du Seigneur, il a commencé à s'enfoncer. Mais le Seigneur n'est pas lié à la distance. Non, frère! Jusqu'au moment qu'il a crié, il a senti une main le saisir. Ce n'était pas la main d'André, son frère. C'était la main du Créateur. Il l'a saisi. Il l'a soulevé. Jésus sur l'eau. Il soulève quelqu'un qui va dans l'eau. Il le met sur l'eau. Il le met sur l'eau. Alléluia! Alléluia! Les apôtres regardaient. Tu n'as jamais vu. Le diable regardait. Tu n'as jamais vu. Il lui dit sur l'eau là. Homme de peu de foi. Pourquoi tu as douté? Allez, allons. Jésus marque un pas. Pierre dit cette fois-ci. Mwenda moi. Mwenda moi. Amen. Amina. Jésus marque le pas. Yes, on a piqué toi quand je marque Minengi. Pietro a dit si je ne marque pas, je vais m'enfoncer. Lui aussi marque son Jésus marque un pas. Yes, on a piqué toi quand je marque un pas. Pietro n'a piqué. Frère, Banduku. Marche au pas de la parole. Tembe moi toi ya neno. Tu réussiras. Utaweza. Dans ce que tu entreprends. Ou bile urianza. Ils ont commencé à admirer. Arrivé à la pirogue. Jésus prend Pierre. Il le fait entrer dans la pirogue. Et lui entre. Quand il leur a dit, n'ayez pas peur. C'est moi qui. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. L'esprit d'Elohim s'est mouvé sur les eaux. Alléluia. N'ayez pas peur. C'est moi qui marchais sur les eaux. Je ne suis plus en forme d'esprit. Je suis en forme d'un homme. Malgré ça, j'ai toujours fait ce que je fais. Comme je me mouvais sur les eaux. Le Seigneur est avec nous. Amen. Quand le diable a vu ça, c'est alors qu'il est allé lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne. Tu n'as ni troublé ça. Parce que vous m'avez tellement troublé. Il y a moi sur l'air me troubler, c'est devant la tombe de Lazare. La dernière fois où l'a troublé, Nimbele a Kabouri à Lazare. C'est là que le diable a été totalement troublé. Je parle du diable, il veut tout, il veut quoi m'embaye Kabisa. Ton ami est malade, il ne va pas. Quand il meurt, il s'en va. Wakati anakufa nanza kwenda. Vous connaissez l'histoire. Mona Juelia dit. Il dit à Myriam, ton frère vivra. Oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. N'étais-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Où l'avez-vous enterré? Viens voir, Seigneur. Mon homme est parti au tombeau. Pardonnez-moi, je vais terminer ceci. Il leur dit, ôtez la pierre. Les pharisiens disent, mais ce monsieur, ça c'est quel type de consolation? Ni faraje kanie kunayo. Ce monsieur est déjà pourri, non? On note la pierre. Ils sont là. Beko pale, baka funga kukumampua. En train de regarder. Beko nangalia. Lui regarde dans la tombe. Yeko nangalia mkaburi. Avec les yeux de créateur. Na manchu ya mumbaji. Il voit Lazare pourri. Anaona Lazare mwenye kuoza. Gisant par terre. Son regard va très loin. Il va dans le paradis terrestre. Il voit Lazare là-bas. Il lance un cri. Lazare. Sa voix va jusque là. Dans le séjour des morts. Lucifer. Qui avait la clé de la mort. Et du séjour des morts. Il entend la voix. Il dit non. Ça c'est la voix de celui qui m'a créé. Il vite au paradis. Anenda mbio ku paradiso. Akafungula. Asema Lazaro. Hatuka. Hatuka. Toka, toka. On t'appelle. Ngo na kuita. Qui l'a appelé? Nani alimuita? C'est le créateur. Ni mumbaji. L'âme de Lazare sort. Nafsi ya Lazaro katoka. Arrive à la tombe. Ikafika ku kaburi. Elle trouve la tombe ouverte. Na ikakuta kaburi wazi. Elle entre dans le corps. Na ikenye mu mwili. La pourriture. Byozo. La mort. Lufu. Quand l'âme est entrée. Wakati nafsi rirudia. Ils ont fui. Byote birifikimbia. Alléluia. Amen. Le diable pouvait dire. Diabolo ngiyo mais ça c'est quel homme? Ii ni mtu kani huyu? Comme on le dit en Chiluba, il a une voix que les morts entendent. Ça, c'est quel homme ça? Les pharisiens ont dit, c'est fini. Maintenant, il va nous arracher tous les disciples. Il faut le tuer. Et tuer aussi Lazare. Parce que tant que Lazare est là, ce serait une preuve. Le mort sorti. Il ne marchait pas parce qu'il était lié. Pas des bandages, c'est comme ça que les juifs font. Le mort sorti. De la tombe. Alléluia. Et Jésus dit. Na Yesu akasema. Déliez-le. Mumfungule mankamba. Il est plus mort. Eko anatena rufu. Anatena mufu mfungule. Amen. On l'a délié. Baka mfungule bibi. Comme c'était son ami. Je pense qu'il a même saisi à la main. Nazani akoma mbamba katakukono. Allons manger. Il mangeait beaucoup chez Lazare. Alikuwa anakula sana kwa Lazaro. Allons manger. Ils sont arrivés à table. Bafika kumeza. Jésus. À table. Kumeza. Avec Lazare ressuscité. Na Lazaro mwenye kufufuka. Alléluia. Amen. C'est ça qui a troublé Satan. Joël le fourou cachetani. Il dit, en tout cas maintenant, ordonne que ces pierres deviennent. Akasema sasa amuru imaji mawe kwe ma mikati. Tu as fait non? Uko na njala ni eti? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. On s'arrête là. Tunashimamia. Nous continuons demain. Tutaendelea kesho. L'épreuve qui va venir. Jaribu le kutakuya. Seul le Seigneur l'a vécu. Bakatu bwana yepeke njwa aliishi yalionjayo. Mais sachez que, comme il a vaincu, nous vaincrons aussi.